À l'occasion du 7e congrès du Parti du Travail de Corée, le Parti des Pionniers d'Indonésie a conféré le titre de dirigeant d'honneur au maréchal Kim Jong-un. La réunion spéciale du Conseil directeur central du Parti des Pionniers d'Indonésie a adopté le 27 avril la décision en la matière. La cérémonie de remise du diplôme d'honneur a eu lieu le 29 avril au Conseil directeur central du parti, en présence des personnalités du parti et de l'université Bung Karno, du chargé d'affaires par intérim coréen et de son collaborateur dans ce pays. Le diplôme d'honneur est remis au chargé d'affaires par intérim coréen.